Le quotidien coréen Rodong Sinmun, en date du 27 juillet, a inséré l'éditorial « Faisons briller les exploits de la grande victoire dans la guerre par les feux d'artifice de la victoire finale » à l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la dernière guerre de Corée.